Les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. C'est une chose. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique. Élevé à l'abri du besoin, où il y aurait bien besoin d'abri. J'ai vu ma ville manquer de soins quand le virus du cancer l'a pris. On est bien loin du temps où je t'appelle foot en primaire. Aujourd'hui frère, c'est du temps, les jeunes ont quitté l'intérimaire et trop déviés de leur but. Marre de trimer, j'ai fait du orbite. S'ils veulent des mises, c'est des grosses caisses. Mec qui dit love et dit orbite. Des arcades au London, t'as des dettes, surveille ton dos. Dans ce cas c'est l'escalade, cavalcade et cascade à la belle mondo. Parce que les castagnes on voit que ça, pour des custis ou des lapsas. Pour des castas ça va de ça, et pour un custis ça va de soi. Tout le monde veut sa part du gâteau, ça se tape pour des bagatelles. Dans ce bastion fossile et marteau, que les infos te martèlent. Mec de Noisy à Bordeaux, pour tous les coins où c'est le bordel. Où y'a moins de repas au tourteau, et beaucoup plus à la tourtelle. Y'a peut-être des embrouilles pour tout, et des mecs qui te saoulent pour tel. Mais même si beaucoup sont mortaux, mec mon 9-3 est mortel. 9-13, bienvenue là où les keufs stressent. Moi ville que bref, ma ville portrait que je dresse très pour très. Là où les refs sont des connards, là où les meufs sont des bonhommes, où y'a pas une seule lettre norme. 9-13, bienvenue là où les keufs stressent. Moi ville que bref, ma ville portrait que je dresse très pour très. Là où les refs sont des connards, là où les meufs sont des bonhommes, où y'a pas une seule lettre norme. Regarde, qu'est-ce qui tourne la première fois que tu vois ça? Brique, c'est les briques rouges. Et le rouge c'est la couleur de quoi? Le rouge est la couleur du sang, la rouge est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence, hein? On verra le prix de la caution autour d'un thé à la menthe. Vu qu'un LS, MLS, ses murs se teintaient à l'amiante. Habitué du 143, où le roussi ça sent par endroit. Et où y'a autant de parents de roi qu'il y a de 100 paplards en droit. Je fais le calcul de mes repas, en une semaine bilan d'Y. Y'a que la faim qui ne meurt pas au pays des villes en Y. Avec les potes on converse le temps d'un basket à la noue. On rêve du jour où tout s'inverse et où la bac c'est à la noue. Dans la poche une boîte de vodka, dans la gorge un flash de vodka. Et quand on sort le samedi soir, c'est pas en Porsche mais en Ford K. Pendant que Paname et la rive gauche de la Seine s'admire. Il manque des agences pour l'embauche dans la Seine Saint-Denis. Ça parle de blé, ça parle de blé, ça parle de spi, ça parle de plaie. Fixé de pied ou dis s'te plaît, quand les deux chemises te regardent de biais. Trop peu plaie, trop peu de blé et trop peu de ciel bleu. Rien ne me plaît, rien ne me plaît, la merde ici elle pleut. 9-13, bienvenue là où les keufs stressent. Moi ville que bref, ma ville portrait que je dresse très pour très. Là où les refs sont des connards, là où les meufs sont des bonhommes, où y'a pas une seule lettre norme. 9-13, bienvenue là où les keufs stressent. Moi ville que bref, ma ville portrait que je dresse très pour très. Là où les refs sont des connards, là où les meufs sont des bonhommes, où y'a pas une seule lettre norme. Alors que le fléau de notre société est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin dit porte vin. Ouais. Parce que tout ça c'est magouille et compagnie, c'est politique. En même temps c'est normal que j'en parle avec nostalgie. Vu qu'il y a que là au monde qu'on trouve black, blanc, noir chez gosses d'Alger. Vivant en paix sans se clasher, pouvant prier sans se cacher. Le métissage des cultures qui se mélangent sans se tâcher. Car sachez que si la vérité dans les infos lâchée était de la poudre bon marché, elle tiendrait en sachet. Dès le petit déj à casser, combien de talents déjà gâchés. Tu croyais l'arnaquer mais tu t'y attaché. C'est la rue qui t'a arnaché, c'est pas la panacée. Tu voulais de la Guinness, t'as eu du panaché. La vie c'est dur, joue pas les squales si tu sais pas nager. Perds pas ton temps à tchatcher. La vie c'est un terrain de basket et quand tu t'apprêtes à se matcher, l'État est là pour te bâcher. Dans ces cités dispatchés, des DJ s'entraînent à scratcher. La mauvaise graine traîne et squalche sur le pen s'entraîne à cracher. Et les mecs fâchés d'être fauchés, voyant leur code et vis scratcher. Draguer bis des mises qui zéissent, teasent et se dispatcher. 9-13, bienvenue là où les keufs stressent. Moi ville que bref, ma ville portrait que je dresse très pour très. Là où les refs sont des connards, là où les meufs sont des bonhommes, où y'a pas une seule lettre norme. 9-13, bienvenue là où les keufs stressent. Moi ville que bref, ma ville portrait que je dresse très pour très. Là où les refs sont des connards, là où les meufs sont des bonhommes, où y'a pas une seule lettre norme. 9-13.